J'ai raté mon école, dois-je rater ma vie? C'est pour ça que je décolle, et là, j'ai plus le droit au préavis. Ne demandez pas à l'éducation, car même elle, elle ne sait pas la solution. Vivre avec l'épée Damoclès, on encaisse, puisque plus rien dans mes caisses. J'aurais voulu celle d'Excalibur, mais là, on m'a dit que c'était trop dur. 20h, c'est pas le journal du soir, mais c'est tout ce qu'on m'a donné comme espoir. 20h, c'est pas les jeunes des soirs, mais c'est tout ce qu'on m'a donné comme espoir. Mais c'est tout ce qu'on m'a donné comme espoir. Descendre les statistiques du chômage, comme pour jouer à l'élastique avec nos âges. Attendre le marché du travail à 50 ans, ou errer à marcher dans les rues à 18 ans. On m'a dit que Paul, emploi, je me suis présenté, on m'a fait patienter. Ni sourire, ni café, je suis resté sans voix. On m'a donné un contrat d'avenir pour pouvoir manger et payer mes factures. Je la sens suspendue au-dessus de ma tête, l'épée de Damoclès. Je voudrais sur le champ partir à la conquête. Je veux juste qu'on me laisse le temps de montrer ce que je sais faire de mes mains avant de me dire que je ne sers à rien. Avant de me dire, ne demandez pas que je ne sers à rien. À l'éducation, car même elle, enfin, pas comme ça moi, n'a pas la solution. On m'a donné un contrat d'avenir pour pouvoir manger et payer mes factures. 20h, c'est pas les jeunes des soins. Mais c'est tout ce qu'on m'a donné comme espoir. Je la sens suspendue au-dessus de ma tête, l'épée de Damoclès. Je voudrais sur le champ partir à la conquête, tirer du roc si dur l'épée d'Excalibur. Je la sens suspendue au-dessus de ma tête, l'épée de Damoclès. Je voudrais sur le champ partir à la conquête.